« Mon cher cousin, disait Lisbeth au baron, je serai demain chez Adeline de bonne heure, car, vous comprenez, je ne peux décemment rester ici. J'irai tenir le ménage de votre frère le maréchal. » « Je retourne ce soir chez moi, dit le baron. « Eh bien, j'y viendrai déjeuner demain, répondit Lisbeth en souriant. Elle comprit combien sa présence était nécessaire à la scène de famille qui devait avoir lieu le lendemain. Aussi, dès le matin, alla-t-elle chez Victorin, à qui elle apprit la séparation d'Hortense et de Venceslas. Lorsque le baron entra chez lui, vers 10h30 du soir, Mariette et Louise, dont la journée avait été laborieuse, fermaient la porte de l'appartement. Hulot n'eut donc pas besoin de sonner. Le mari, très contrarié d'être vertueux, alla droit à la chambre de sa femme, et par la porte entr'ouverte, il la vit prosternée devant son crucifix, abîmée dans la prière et dans une de ces poses expressives qui font la gloire des peintres ou des sculpteurs assez heureux pour les bien rendre après les avoir trouvés. Adeline, emportée par l'exaltation, disait à haute voix « Mon Dieu, faites-nous la grâce de l'éclairer !» Ainsi la baronne priait pour son Hector. À ce spectacle, si différent de celui qu'il quittait, en entendant cette phrase dictée par l'événement de cette journée, le baron attendri laissa partir un soupir. Adeline se retourna, le visage couvert de larmes. Elle crut si bien sa prière exaucée qu'elle fit un bond, et saisit son Hector avec la force que donne la passion heureuse. Adeline avait dépouillé tout intérêt de femme, la douleur étreignait jusqu'au souvenir. Il n'y avait plus en elle que maternité, honneur de famille, et l'attachement le plus pur d'une épouse chrétienne pour un mari fourvoyé, cette sainte tendresse qui survit à tout dans le cœur de la femme. Tout cela se devinait.